Bonsoir, vous écoutez à présent Hétéroland, une émission féministe qui explore les normes en matière de genre, de sexualité et de relations, en attendant de dézinguer tout ça pour de bon. C'est tous les quatrièmes dimanches du mois, et c'est sur le 89.5 de Radio Dio. Aujourd'hui, on explore le sexe, le genre et la nature. Hétéroland. C'est bien, mais c'est peut-être un peu trop. C'est un gentil garçon. Il croit bien faire. Les hommes sont bêtes. Nous allons aller chercher le sperme. C'est quand même pas sorcier, c'est mon clitoris, pas le sphinx. C'est le moment de libérer la chatte. Mais il lui faut affronter l'aide du réalité. Marié, famille, enfant, caravane. À la mer. Un projet de loi sur la bioéthique a été adopté le 15 octobre dernier et il était en discussion depuis quelque temps. Il y avait des manifestations, des pétitions, une forte présence des mobilisations autour de ces thématiques dans les médias. On a pu réentendre des florilèges de vomissures de la manif pour tous. Des personnes très assurées ont dit ce que devrait être un homme, ce que devrait être une femme. On est revenu aux considérations à propos de ce qui est contre nature. Et tout ça, ça m'a donné envie de parler des rapports qu'entretiennent le genre et la biologie. Dans cette émission, on va parler de ça, mais plus largement, de sexe, de genre et de nature. Des liens entre ces trucs, en essayant d'adopter une analyse féministe. On va voir des exemples dans l'actualité, et puis au travers de commentaires sur des bouquins et de quelques lectures. Pour commencer, petite tentative de définition des termes. D'abord la nature. Quand on en parle à propos de l'espèce humaine, ça désigne d'une part notre corps, tout ce qu'on trouve dedans, les organes, les muscles, le sang, les fonctions vitales. Tout ce qui est biologique, quoi. Et d'un autre côté, c'est tout ce qui est comportemental, avec une perméabilité entre les deux. On fait certaines choses pour entretenir le corps, les comportements ont un but de survie et d'amélioration de sa situation dans le groupe, etc., etc. Bon. Les besoins vitaux, ils ont un impact sur les comportements, ça semble assez logique. Et parfois, il y a un lien direct qui est fait entre une fonction biologique et un comportement. Le problème, c'est quand le cadre tout à fait culturel mis autour de la fonction et la fonction elle-même ne sont pas dissociés et sont qualifiés de naturels. Bah, par exemple, on peut s'accorder sur le fait que la défécation est une fonction nécessaire au fonctionnement du corps humain. C'est naturel. Par contre, le fait de l'effectuer dans une pièce séparée qui est présente dans toute habitation, de faire ça dans la solitude, sur une sorte de siège équipé d'une évacuation de l'eau, tout ça, c'est absolument culturel, ça a une histoire. Ça n'a pas toujours été comme ça, ça dépend de la culture locale, des humains concernés, du contexte. On effectue certaines choses liées au corps par nécessité, par pulsion, mais la façon dont on les fait, elle est encadrée par notre culture. Et aussi, notre idée de ce qui est pulsionnel et nécessaire est orientée par notre culture. Mais c'est peut-être un autre sujet. Bon bref, là on va parler de la nature au sens de la biologie, des sciences qu'il étudie, et puis de leur supposée neutralité. Pour le sexe, on va plutôt parler de la sexuation, qui est l'attribution d'un sexe dans le cadre d'un système reproductif sexué. Le sexe et la sexuation sont deux choses liées, mais différentes. L'histoire de la reproduction sexuée, elle commence il y a 600 millions d'années environ. Avant ça, les êtres ils se multipliaient par mitose, une sorte d'autoclonage. La multiplication par sexe, à ce moment-là, elle est appelée la méiose. La méiose, elle permet une variabilité biologique infinie, ce qui accroît les possibilités adaptatives des individus. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle se soit développée et qu'elle soit le mode de reproduction actuel de nombreuses espèces. Pour la reproduction sexuée, on a en gros l'élément mâle avec des gamètes petites et nombreuses, et l'élément femelle avec des gamètes plus imposantes et peu nombreuses, en général. Bon, ça, dans notre société, ça donne déjà lieu à de très multiples interprétations très scientifiques et neutres, oh là là, oui. Par exemple, que les hommes ont un comportement sexuel de conquérant avec toutes leurs petites gamètes soldats. Et que les femmes ont un ovule princesse passive. Et c'est pour ça qu'elles sont plus sélectives dans leur choix de partenaire. Tout ceci n'étant pas du tout marqué par des considérations morales et interprété au prisme de notre culture sexiste. Non, non, non, pas du tout. Sexe est l'un des mots de la langue française que les gens sans distinction de classe, de religion, d'apparence ou de profession utilisent avec grand intérêt, qu'ils soient accoudés aux zincs d'un bistrot ou à la paillasse d'un laboratoire de biologie moléculaire. Deux mises en scène distinctes, sociétales ou scientifiques. Deux scénarios différents. D'un côté, des histoires d'amour ou d'imaginaire sexuel. De l'autre, les recherches biologiques. Sous ce mot « sexe », notre langue si riche produit une polysémie bien fâcheuse. Pourtant, cette notion de sexe, apparemment évidente, est si facilement mise en doute. Ainsi par le jeune enfant qui prétend, avec une conviction désarmante, que son nouvel instituteur est une fille, car son t-shirt et son téléphone sont roses. Ou par le serveur confus, monsieur, ah pardon madame, qui propose le menu. Autant de situations qui troublent nos certitudes. Parce que sans que nous puissions même l'énoncer, elles mêlent le biologique et ses représentations culturelles. Autrement dit, le sexe et le genre. Ce trouble qui s'est cristallisé récemment autour d'une prétendue théorie du genre a mobilisé une partie de la France crispée dans ses assurances sur les différences naturelles entre les filles et les garçons, et qui n'était cependant pas tout à fait dupe, puisque l'un des slogans des manifestantes était « Laissez-nous nos stéréotypes de genre ». Pour les sciences du vivant, qui s'intéressent à la notion de sexe dans le règne animal, que ce soit la paléoanthropologie, qui estime le sexe osseux, la neurobiologie, qui étudie le cerveau des femmes et des hommes, l'endocrinologie, la génétique et la biologie moléculaire, qui recherchent les mécanismes de fabrication des femelles et des mâles, force est de constater que les données observées témoignent d'une formidable complexité et variabilité. Complexité car être femelle ou mâle résulte, comme elle le montre, de processus biologiques sophistiqués, mêlés les uns aux autres, mettant en jeu de nombreuses molécules et dépendant de l'environnement. Variabilité, résultat de cette complexité, comme elle le montre également, et qui se repère dans le fait qu'il n'existe pas un prototype unique de femelle et un prototype unique de mâle, mais bien une infinité d'individus tous différents les uns des autres, qui parfois même ne s'intègrent pas dans les catégories définies comme femelle et mâle. Variabilité conséquente aussi de l'évolution qui a inventé le sexe pour produire des individus diversifiés, leur conférant ainsi une aptitude à s'adapter aux changements environnementaux qui assurent la permanence de la vie. Cette complexité et cette variabilité que la science met en évidence peinent pourtant à trouver écho dans notre société qui persiste aujourd'hui encore à répartir les individus en deux catégories, femmes et hommes, et cela aussi bien au niveau de leur rôle que de leur représentation. Cette réduction binaire n'échappait déjà pas à la célèbre anthropologue Clémence Royer, traductrice de Charles Darwin en français, qui écrivait dès 1870. Je sais que maintenant nos savants ont une disposition à retrouver des sexes partout. On y a réussi tant bien que mal, le microscope montrant presque toujours ce que l'on souhaite y voir. C'est-à-dire que partout où l'on a constaté deux organes ou seulement deux tissus, deux liquides, deux éléments organiques différents de texture ou de propriété, on en a fait deux sexes. Non, la loi de génération n'a point de ce caractère absolu, nécessaire, fatal qu'on veut lui donner. Les deux sexes dans la nature ne constituent ni deux essences ni deux entités. Ce sont de simples accidents de l'organisme. Cette binarité socioculturelle de genre, pratiquée par la communauté savante à la fin du XIXe siècle, a-t-elle maintenant disparu ? En d'autres termes, les scientifiques et les médecins qui élaborent aujourd'hui les connaissances sur le sexe biologique le font-ils avec objectivité ? C'est-à-dire, indépendamment de leurs propres a priori conscients ou inconscients sur le féminin ou le masculin ? La réponse à ces questions est évidemment négative. Et voilà, c'était la lecture d'un bout de l'intro du bouquin d'Evelyn Payer et Joël Wills qui s'appelle « Mon corps a-t-il un sexe ?» sur le genre, dialogue entre biologie et sciences sociales, dont je ne peux que vous conseiller la lecture. Et maintenant, on va passer à une définition du genre. Donc le genre, c'est une caractéristique sociale de notre identité qui est actuellement construite sur la binarité féminin-masculin, en tout cas dans la norme dominante. Des caractéristiques et des capacités sont attribuées à chaque genre. Elles sont variables selon l'époque et la société dans lesquelles on se trouve. Mais il y a une constante de répartition entre féminin et masculin qui peut être remarquée, ainsi que la persistance de l'attribution des caractéristiques valorisées et donnant du pouvoir au genre masculin. Le genre, c'est donc une construction sociale traversée par une logique de hiérarchie. On nous l'attribue à la naissance en se basant sur une donnée anatomique, la conformité de nos organes génitaux à des organes mâles ou femelles. Une comparaison est souvent faite entre le genre et le sexe, qui lui serait biologique. Cependant, même en se plaçant du point de vue de la biologie, de nombreux critères et une infinité de variations existent. Pour parler des normes et processus en place concernant le genre, on peut parler de système sexe-genre. C'est un terme qui est utilisé par Gayle Rubin, qui est sociologue, et qui le définit comme l'ensemble, qui est anthropologue, et qui le définit comme l'ensemble des dispositions par lesquelles une société transforme la sexualité biologique en produit de l'activité humaine, et dans lesquelles ses besoins sexuels transformés sont satisfaits. Cette définition, elle explique que les données biologiques en matière de sexe sont traduites dans les normes par le biais d'interprétations. Le problème étant que ces interprétations acquièrent le statut de données naturelles et s'auto-justifient à l'infini. Par exemple, on sait que certaines personnes ont un vagin et des organes génitaux femelles. Les personnes avec des organes génitaux mâles peuvent pénétrer les vagins avec leur pénis et y répandre leurs gamètes dans un but de reproduction ou pas. Donc là, on reste à peu près sur du biologique. Mais ensuite, il y a des déductions plus ou moins fantaisistes qui sont faites. Les personnes avec des organes génitaux féminins sont des femmes et doivent avoir les caractéristiques attendues de la féminité. Elles sont pénétrées, donc sont passives. Elles ont des organes internes et donc elles sont mystérieuses. Oui. Il y a une quantité astronomique d'interprétations comme ça, dont on n'a même plus conscience tellement elles sont ancrées dans notre culture. Et ça devient des raccourcis du style « la sexualité féminine est passive, c'est la nature ». Les femmes portent les enfants et sont donc douces, accueillantes et ont une tendance naturelle à entretenir le foyer. Alors que bon, dans une dimension parallèle, les interprétations, elles pourraient être tout à fait différentes. On pourrait dire que les organes génitaux femelles étant internes, bon, ce qui n'est pas vrai en fait, parce que la vulve, c'est pas interne, c'est un organe externe. Mais bon, disons que les organes génitaux femelles sont mieux protégés que les pénis bringue-ballants des mâles, et que par conséquent, ça montre qu'elles sont moins vulnérables et que tous les pouvoirs devraient leur être dévolus. Ce qui serait pas beaucoup plus malin comme interprétation, hein, mais ça m'aurait évité beaucoup de trucs chiants dans la vie. Bref, les interprétations faites à propos de données biologiques prennent beaucoup de place dans les normes de genre et de sexe et sur notre perception de ce qui est biologique. Il y a quelque chose qu'on a sûrement tous et toutes expérimenté dans nos conversations, c'est que parfois, on se heurte à un point savane. Alors, le point savane, c'est l'utilisation de « c'est la nature » comme argument butoir. C'est construit sur la même logique que le point Godwin, qui consiste à évoquer le nazisme pour couper court à toute contre-argumentation. Donc ça consiste à s'appuyer sur une donnée biologique pour justifier une inégalité. Par exemple, les femmes produisent peu d'ovules, c'est pour ça que leur comportement sexuel est plus sélectif, pas du tout parce qu'elles sont stigmatisées et qu'il y a un double standard en matière de morale sexuelle, non, pas du tout. Le point savane, ça peut aussi consister en l'utilisation du comportement animal pour expliquer, voire justifier des comportements humains. Par exemple, les hommes sont naturellement enclins à avoir plusieurs partenaires, car les lions mâles le font. Ouais. j'utilise volontairement des exemples où les causes et conséquences sont bien tirées par les cheveux, hein, mais ce sont des choses que j'ai déjà entendues. Et ça peut être plus subtil, mais dans l'idée, c'est ça. L'argument de « c'est la nature », qui n'est pas vraiment un argument, mais plutôt une justification, il a ceci de particulier qu'il coupe court à toute contre-argumentation. Ce qui sous-entend, c'est qu'il n'y a aucun moyen de modifier un certain état de fait qui serait hors du temps, hors de tout contexte, et qui traduirait une sorte de vérité sur le fonctionnement du monde. Alors que bon, il suffit de se renseigner un petit peu pour constater que de très très multiples modèles d'organisation animale existent, même si les humains ont tendance à surtout voir celles qui vont dans le sens de leur propre organisation. Dans la brochure « Contre l'idée de nature », dont je vais lire deux extraits, cette vision de la nature comme invariante et représentant une vérité absolue est critiquée. Premier extrait. L'idée de nature reste omniprésente dans les discours normatifs. En pratique, l'attitude est plus ambiguë. Tantôt, les humains dénoncent avec indignation ce qu'ils jugent contre nature. Tantôt, ils célèbrent les conquêtes qui ont permis à l'humanité d'échapper aux rigueurs de sa condition primitive. Personne ne souhaite vraiment que nous imitions la nature en tout point, mais personne ne renonce pour autant, volontiers, à l'idée que la nature doit nous servir d'exemple ou de modèle. Les considérations sur ce qui est contre nature et ce qui est naturel, donc censé être équivalent à normal, sain ou bon, viennent trop souvent court-circuiter la réflexion sur ce qu'il est bon ou mauvais de faire, sur ce qui est souhaitable et pourquoi, en fonction de quels critères. L'idée de nature pollue les débats moraux et politiques. Et un deuxième extrait. Le naturel reste fortement associé à des jugements de valeur. La publicité utilise le mot « nature » pour désigner ou évoquer n'importe quelle notion à connotation positive. La campagne, la santé, la tradition, l'éternité, la force, l'authenticité, la sagesse, la simplicité, la paix, la splendeur, l'abondance. Le sentiment de la nature apporte un supplément d'âme bienvenu au monde de la marchandise. Il participe du réenchantement du monde capitaliste. Qu'est-ce qui, à l'heure de se vendre, n'est pas naturel ? On assiste ainsi aujourd'hui à la résurgence d'une pensée religieuse, laïcisée, grâce au remplacement du mot « Dieu » par celui de « nature ». On la devine par exemple derrière des discours qui élèvent le respect des équilibres naturels au rang de valeur en soi. Au sens premier, l'équilibre est un terme purement descriptif. Il désigne un état d'immobilité ou de permanence. Les relations qu'entretiennent les éléments d'un écosystème sont telles qu'il conserve sa structure, les êtres qui le composent étant soit invariants, soit renouvelés à l'identique. Dans le langage courant, cependant, le mot « équilibre » désigne plus que cet état particulier, de repos, par opposition au mouvement, pour revêtir le sens d'un idéal. L'équilibre des écosystèmes se mue en ordre de la nature, ou en harmonie naturelle. La notion d'ordre évoque un système où chaque être, ou chaque catégorie d'être, se trouve à sa juste place. Celle d'harmonie fait songer à un état d'union ou d'entente, où chaque partie s'accorde au mieux avec les autres pour contribuer à la beauté de l'ensemble. Ces mots font naître l'image d'une nature ordonnatrice du monde, pour le bien de ses créatures, tout en faisant sentir le danger qu'il y aurait à en déranger la perfection. Dans la mesure où la croyance ne se laisse guère formaliser, nous croyons plus adapté de parler de mystique de la nature plutôt qu'immédiatement de religion. Omniprésente, elle est comme dissoute dans la vie sociale, formant l'un des bruits de fond de nos existences. Elle n'est formulée explicitement comme système que par certains, ceux-là sont la voie d'une religiosité qui se distingue des religions traditionnelles, en ce qu'elle est parfaitement en phase avec la société moderne. Une religiosité individuelle mais commune, commune mais non collective. Une mystique diffuse qu'élaborent les individus atomisés et qu'ils ne célèbrent le plus souvent qu'individuellement, dans le secret de leur esprit, en toute laïcité. Donc, on a dans le concept de nature une idée d'authenticité et même de pureté, carrément. Pour ce qui est des normes de genre, c'est un peu comme pour le reste, on nous demande une cohérence qui n'a rien à voir avec quelque chose de naturel, mais plutôt avec l'idée qu'on se fait de ce qu'est la nature. La cohérence doit se faire entre le sexe soi-disant biologique et l'identité de genre, des femmes avec des corps femelles, des hommes mâles. On nous demande une stabilité, des preuves, parce que l'identité de genre doit être authentique, comme ce qui est naturel, sinon on n'est pas vraiment humaine. Ça me fait penser à un documentaire sur Judith Butler, qui peut se trouver sur YouTube certainement, et dans lequel elle raconte l'histoire d'un petit garçon dans la campagne états-unienne. Ce petit garçon, il avait l'habitude de marcher en se déhanchant. On l'insultait, on le frappait, mais il était comme ça, il avait une démarche que les autres qualifiaient de féminine. Et un jour, les autres garçons l'ont poursuivi plus que d'habitude. Et ils l'ont attrapé, et ils l'ont jeté du haut d'un pont. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué parce qu'il se déhanchait en marchant, et que par conséquent sa vie ne valait rien. Voilà ce que ça fait quand les humains se sentent légitimés par l'idée qu'ils se font de la nature et de ce qu'elle doit être. Et bon, on le sait, c'est très loin d'être un événement isolé, c'est le quotidien des personnes trans, et aussi des PD, des Gwyn, des bi, et tout particulièrement si ces personnes sont racisées. On sait que la plupart des meurtres de personnes trans sont perpétrés sur des personnes racisées. On va continuer sur les transidentités. Les personnes qui rentrent pas dans la binarité de genre et qui ne restent pas toute leur vie du sexe qu'on leur a assigné à la naissance, elles rentrent pas dans la norme du supposé naturel et elles se voient accusées, parfois, d'inauthenticité de leur sexe ou de leur genre. Pour appuyer ça, je vais citer un extrait du bouquin de Julia Serrano, Manifeste d'une femme trans. Mais d'abord, je vais donner les définitions de cissexuel et transsexuel qu'elle emploie dans son propre glossaire. Cissexuel ou cissexuel désigne les personnes qui vivent avec le sexe et le genre qui leur ont été assignés à la naissance. L'abréviation cis est fréquemment utilisée. Il est possible aussi de trouver bio, sachant que ce terme est très controversé. Utiliser le terme cis permet de définir la norme pour ne pas définir que les personnes trans. Et à présent, transsexuel ou transsexuel. Le terme transsexuel s'emploie pour qualifier une personne s'identifiant et vivant dans le genre opposé à celui qui a été assigné à la naissance. Une femme transsexuelle est une femme qui a été assignée garçon à la naissance. Un homme transsexuel est un homme qui a été assigné fille à la naissance. Ce terme a été créé et est utilisé par les médecins pour diagnostiquer et pathologiser les personnes trans. Certaines personnes trans se réapproprient ce terme et l'utilisent. Cependant, les trans utilisent le plus souvent le terme de transidentité, plus souvent transidentité que transsexualisme. Et du coup, utilisent plutôt transgenre que transsexuel. Et du coup, je vais lire un bout d'un chapitre sur l'accusation d'inauthenticité de genre des personnes trans. Qui s'appelle, donc qui est tiré du bouquin de Julia Serrano, qui s'appelle « La facsimilation trans et le disgenrement ». Puisque les cissexuels ont un intérêt direct à préserver leur sentiment de surlégitimité et leurs privilèges, il n'est pas rare de les voir rassembler leurs efforts pour rendre artificiels les genres transsexuels. Pour y arriver, une stratégie fréquemment utilisée est la facsimilation. Présenter et décrire les genres transsexuels comme des facsimilés des genres cissexuels. Cette stratégie n'a pas seulement pour effet de rabaisser les genres transsexuels à un statut de contrefaçon, mais insinue que les genres cissexuels sont des versions premières, vraies, et que les transsexuels se contentent de les copier. Cette tactique de facsimilation saute aux yeux dès qu'on remarque la régularité avec laquelle les cissexuels et cissexuelles emploient des mots tels que « imiter »,« copier »,« parodier »,« simuler » et « se faire passer pour » quand ils et elles décrivent les expressions de genre et les identités transsexuelles. On peut aussi le voir à la façon dont les producteurs médiatiques cissexuels représentent les personnages transsexuels réels ou fictifs, en laissant imaginer qu'ils jouent et simulent les rôles et comportements associés au sexe auquel ils s'identifient. Cette représentation de la transsexualité comme une simple simulation invisibilise les vraies raisons et expériences qui amènent les personnes transsexuelles à vivre avant tout comme membre du sexe auquel elles s'identifient. De plus, elles font l'impasse sur la manière dont tout le monde, transsexuel ou cissexuel, observe et imite les autres pour construire son genre. Chez les cis sexuels, de telles imitations se produisent principalement durant l'enfance et l'adolescence, quand il et elle parodient certains comportements genrés d'un parent, d'un grand frère ou d'une grande sœur. Chez les transsexuels, ce processus se produit souvent plus tard dans la vie, durant la période juste avant la transition ou pendant celle-ci. Dans les deux cas, l'imitation est avant tout une forme d'expérimentation qui permet de faire le tri entre les comportements qui conviennent à la personne et qui étaient jusqu'alors retenus, et ceux qui la mettent mal à l'aise et gênent la perception. Et gênent la perception de soi, et qu'il convient mieux de laisser de côté. À partir du moment où l'on reconnaît ceci, il devient évident que les tactiques de facsimilation font deux poids deux mesures entre d'un côté la minimisation des processus d'imitation mis en œuvre par les personnes cissexuelles, ce qui a pour effet de naturaliser leur genre, et d'un autre côté l'exagération des processus d'imitation mis en œuvre par les personnes transsexuelles, ce qui a pour effet d'artificialiser leur genre. Pour rabaisser les genres transsexuels à un statut de copie, on peut aussi appliquer des critères différents de genrement aux transsexuels et aux cissexuels. Cette pratique s'illustre très bien dans le passage suivant du livre de Pat Califia, Le mouvement transgenre. Début de citation. Récemment, j'ai eu une expérience très instructive. J'ai découvert qu'une femme que je côtoyais depuis longtemps était transgenre. Étant donné tout ce que j'avais fait pour m'informer sur la transsexualité, j'ai pensé que ça ne ferait pas beaucoup de différence. Mais je me suis surpris à la regarder d'une manière complètement différente. Tout à coup, ses mains paraissaient trop grandes, son nez était bizarre. Et que dire de sa pomme d'Adam ? N'avait-elle pas une voix un peu grave pour une femme ? N'était-elle pas terriblement autoritaire ? Exactement comme un homme. Et mon Dieu, que ses avant-bras étaient poilus ! Pat Califia poursuit en expliquant que cet incident lui a fait prendre conscience de la différence de traitement qui existe dans la façon dont les personnes transsexuelles sont souvent perçues. Par exemple, quand on présume qu'une personne est cissexuelle, on accepte généralement l'ensemble de son genre perçu comme étant naturel et authentique, sans tenir compte des écarts mineurs liés à son apparence. En revanche, quand on découvre ou qu'on suspecte qu'une personne est transsexuelle, on recherche souvent activement, voire compulsivement dans sa personnalité, ses expressions et ses caractéristiques physiques, des indices du sexe qui lui a été assigné à la naissance. J'en ai moi-même souvent fait l'expérience lors de mes nombreux coming out en tant que transsexuel. Une fois informé de mon statut de trans, la plupart des gens ont ce regard caractéristique. Comme s'ils et elles me voyaient tout à coup différemment, recherchant des indices laissés par le garçon que j'ai été, et interprétant mon corps de différentes façons. Ce processus que j'appelle disgenrement est caractérisé par la tentative de briser le genre d'une personne trans en privilégiant des détails et écarts dans son apparence qui seraient normalement minimisés ou ignorés si elle était présumée cissexuelle. Le seul but servi par le disgenrement est de privilégier les genres cissexuels tout en délégitimant les genres des transsexuels, transsexuels et des autres personnes variantes de genre. Voilà, c'était un extrait du bouquin Manifeste d'une femme trans et autres textes de Julia Serrano. Sur ce sujet également, on peut aller écouter une conférence qui est dispo sur YouTube. C'est une conférence de André Tomaso qui a été donnée à l'ENS de Lyon en novembre 2018 et qui revient sur l'histoire de la distinction sexe-genre et sur cette accusation d'inauthenticité qui pèse sur le genre des personnes trans. on va revenir sur la loi bioéthique. Et c'était Gazelle Twin avec Belly of the Beast. Donc, dans un article de septembre sur le site du magazine Têtu, on apprend qu'il y a des milliers d'enfants intersexes qui naissent chaque année en France. Ça représente à peu près 1,7% des naissances. Leur spécificité, c'est que leurs caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux caractéristiques typiques des garçons et des filles. Et c'est une variation du vivant qui est parfaitement naturelle. Ces enfants, ils présentent généralement pas de problèmes de santé liés à cela, et ils ont un développement satisfaisant et sain. Pourtant, depuis bientôt 50 ans, les progrès de la science médicale ont conduit certains médecins, qui sont rassemblés aujourd'hui dans des centres de référence, à modifier systématiquement le corps de ces enfants. Dès leur plus jeune âge, sans leur demander un accord quel que ce soit, leurs corps sont purement et simplement féminisés ou masculinisés par ces praticiens. Et ces transformations procèdent concrètement d'actes invasifs et définitifs qui entraînent de graves souffrances physiques et psychologiques à vie. Ça va être l'ablation des gonades ou d'utérus jugé en trop, la construction et ou la dilatation de vagins jugés trop petits, la réduction de clitoris jugés trop grands, le redressement de pénis jugés tordus, la prescription d'hormones sexuelles, une hormonothérapie de substitution à vie, etc. etc. Ce faisant, la diffusion de ce paradigme médical a empêché pendant des années l'émergence d'une réflexion éthique et démocratique sur les variations de sexe. Dans un autre article, toujours sur le site du magazine Têtu, on apprend que plusieurs amendements ont été proposés, notamment celui de la députée Laetitia Romero-Diaz, demandant l'interdiction des mutilations sur les enfants intersexes, qui, rappelons-le, sont reconnus comme des actes de torture par l'ONU, hein, rien que ça, et qui continuent pourtant d'être perpétrés. L'arrêt de ces opérations est une urgence vitale, une priorité. Il y a des militants, des militantes intersexes, et notamment le collectif Intersexes et Alliés qui ont travaillé cette année pour que ces amendements soient étudiés et acceptés. Mais pourtant, pendant la discussion, il y a eu des réticences face à ces amendements, et les députés ont préféré prendre le temps de réfléchir. Agnès Buzyn, qui est la ministre de la Santé, a estimé que ce n'était pas encore le moment pour légiférer ces actes. Donc les personnes intersexes sont exclues des textes de loi, et les violences institutionnelles qui leur sont infligées sont volontairement ignorées et placées au second plan par des parlementaires qui sont assez loin de la réalité des minorités. Donc ce qu'on apprend dans ces articles, ça illustre bien la violence des pressions à la conformité de genre, et la surveillance qui y est portée jusque dans des endroits qu'on montre absolument pas hors d'un cadre privé, en fait. Et toujours, à propos de la loi sur la bioéthique, alors il y a eu l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le 27 septembre, l'Assemblée nationale, elle a adopté donc cette ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, aux couples de femmes, aux femmes seules. Il y a aussi eu l'ouverture de l'autoconservation des ovocytes, le double don de gamètes, hein, et l'accès aux origines des enfants nés de PMA. Bon, ça, c'est pas dommage. Mais la PMA n'a pas été ouverte aux hommes trans. Les hommes trans ou les personnes transmasculines depuis 2016 ne sont pas obligés d'en passer par des modifications physiologiques qui entraînent la stérilité pour obtenir un changement d'état civil. Avant ça, pour que leur genre soit reconnu par les institutions, il leur fallait avoir subi un traitement et ou une opération chirurgicale à caractère irréversible. Mais donc, l'Assemblée a rejeté le 26 septembre l'ouverture de la PMA aux hommes trans pendant l'examen en première lecture du projet de loi sur la bioéthique. Et je vais reprendre des citations d'un article du Huffington Post du 11 septembre, un article écrit par Lucienne Quin. Donc ça, c'est une citation de Agnès Buzyn, la fameuse ministre de la Santé. Si une femme décide de changer de sexe et devient un homme à l'état civil, elle n'aura pas accès à la PMA. Cela aboutirait à ce qu'un homme à l'état civil devienne mère, ce qui est compliqué. Voilà, la meuf, tu sens, son cerveau il va fondre, rien que d'y penser, quoi. Et bah, dans le même style, on a la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui dit « Nous prenons la personne uniquement avec le sexe à l'état civil. Si c'est un homme devenu à l'état civil une femme, elle pourrait très bien faire une PMA avec une autre femme. » Alors, sachant que les femmes trans n'ont pas la possibilité d'être reconnues comme mères si ce sont leurs gamètes qui ont servi à la procréation, pour l'instant. Y a encore un vide juridique de ce côté. Et bon, tout ça pour dire que si les hommes trans peuvent pas accéder à la PMA, ça n'a rien à voir avec une impossibilité naturelle. Ce sont les institutions qui sont pour l'instant incapables de tenir compte des multiples réalités et de se remettre en question. Et puis c'est assez contradictoire de brandir la bioéthique, qui est plutôt, en tout cas dans le contexte des lois françaises, une éthique de conservation d'une conformité aux possibilités biologiques. Et puis de s'en servir pour limiter des possibilités tout à fait naturelles, en fait. Cette discrimination qui est faite aux hommes trans, elle met en avant l'espèce de panique institutionnelle face au manque de pertinence de l'identité de genre pour la procréation. On doit rester dans un cadre où les femmes, identifiées comme telles, confirmées par leur état civil, ces femmes seules procréent et non pas toutes les personnes munies des organes nécessaires à la procréation. Là, je vais citer Lorraine Chesnel, qui est déléguée chargée des familles à l'inter-LGBT. Aujourd'hui, en France, hors PMA, il y a des hommes qui peuvent accoucher, mais ils ne peuvent pas devenir ni père ni mère à l'état civil. Ils sont dans un flou juridique. Et de façon plus large, les lois qui concernent la filiation, elles ont du mal à tenir compte des personnes trans. Je cite de nouveau. Il y a le cas d'un couple actuellement en attente de jugement en cour de cassation. Un père qui est devenu femme souhaite être reconnu comme la mère de sa fille sur son acte de naissance. Sa demande a été rejetée en 2018 par la cour d'appel de Montpellier, mais les juges lui ont accordé le statut inédit de parent biologique. Donc nous y voilà, on peut créer un statut. C'est un refus de la part des institutions qui n'en est pas pour l'instant de façon stable. Ce sont pas les femmes qui portent les enfants, c'est inexact. Surtout d'un point de vue biologique, ce sont plus souvent des femmes. Mais si on veut être vraiment précise, ce sont les personnes équipées d'ovaires, d'utérus, et de vagins, de vulves, et qui sont fertiles, par ailleurs, qui portent les enfants. D'ailleurs, la capacité à générer d'autres humains, c'est une fonction naturelle investie d'un accident de sens qui est assez encombrant. L'instinct maternel inné, la tâche sacrée de donner la vie, tu enfanteras dans la douleur, tout le bazar là. On entend à raison de plus en plus parler des maltraitances gynécologiques, avec des récits proprement hallucinants et qui décrivent des situations très communes. Les organes liés au genre féminin, donc ovaires, vagins, clito, utérus, ils sont dévalorisés et on interprète leurs fonctions au prisme du genre. Les règles, c'est sale, les vulves à grandes lèvres, c'est moche, les poils, c'est sale, mouillé, c'est mal. Mais encore plus chiant, quand on est en possession de ces organes, on a parfois des pratiques sexuelles qui peuvent entraîner une grossesse, surtout dans le cadre du sexe hétéronormé qui se doit de se conclure par un bon vieux pénis qui éjacule dans vagin des familles. Bon, et du coup, on a parfois besoin d'avorter, ce qui reste pour l'instant assez relou à faire. Donc pour ça, actuellement, il existe une méthode d'IVG médicamenteuse et une méthode instrumentale par aspiration. Les personnes qui ont besoin d'avorter, elles ont officiellement le choix entre ces deux méthodes. La médicamenteuse, elle peut être encadrée par des sages-femmes et pas seulement par des gynécologues. Elle peut permettre d'avorter chez soi et puis être accessible très rapidement parce qu'elle ne nécessite pas d'hospitalisation, mais seulement une prise de médicaments. Et son recours, il est autorisé jusqu'à la 7e semaine de grossesse. L'IVG instrumentale, d'une autre part, elle consiste en une aspiration mécanique de l'embryon et elle peut être pratiquée jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Elle est encore limitée au seul gynécologue et elle peut avoir lieu qu'à l'hôpital sous anesthésie, d'où le terme d'IVG chirurgical qui est employé actuellement, par exemple, sur le site du gouvernement. Les sages-femmes, elles se mobilisent depuis depuis quelques temps, depuis plus d'un an au moins, pour la création d'une loi qui leur ouvrirait la possibilité de pratiquer des IVG instrumentales en hôpital et en centre de santé. Cette possibilité, elle pourrait réduire les délais, augmenter le nombre d'IVG instrumentales possibles, et puis rendre plus effective la possibilité de choisir sa méthode. Maintenant, on va écouter un enregistrement d'une lecture d'un témoignage post-avortement. Il y a mon vieux chien qui est mort juste le jour où j'ai pas gagné au loto. La vie c'est nul. La vie c'est nul. Il y a mes poils de nez qui dépassent sur les photos où j'ai pris 3 kilos. La vie c'est nul. La vie c'est nul. La vie c'est nul. Ce matin au réveil. La vie c'est nul. J'ai shooté dans mon lit. La vie c'est nul. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée enceinte. Pour commencer, je vais faire une petite parenthèse à propos de mes opinions, mes ressentis concernant la grossesse et l'avortement. Ce sont les miens. Je comprends parfaitement que d'autres personnes en aient très différentes. Mais pour moi, l'embryon, surtout au début, c'est juste un petit amas de cellules qui se reproduisent et, dans ce cas-là, qui me colonisent contre mon gré. Je pense qu'avorter, ça devrait faire partie de ce qui est qualifié de contraceptif. C'est pas parce qu'il y a une multiplication de cellules que c'est différent pour moi. Et dans le bouquin de Paul Preciado, Testo Junkie, il cite Virginie Despentes, quand elle dit en gros que les cliniques d'avortement, elles devraient être aussi accessibles que les McDo. Bah voilà, je suis assez d'accord avec ça. Pour avoir assisté à quelques ateliers d'autonomie en gynécologie et puis m'être renseignée, je sais que le geste médical de l'avortement, c'est pas un truc compliqué. Je sais que des personnes l'ont pratiqué sans faire partie des personnels médicaux, par exemple avec le MLAC. Je sais que ça aurait pas besoin de coûter si cher, d'être aussi contraignant. Je me doute un petit peu aussi que si c'était les types qui avortaient, ça serait vraiment beaucoup plus simple. Mais bon, d'abord, il y a la découverte de la grossesse. Donc, avec un test, le papier, il fait un petit trait quasi instantanément. Quand il est imbibé d'urine, c'est vraiment hyper clair. Du coup, c'est la merde. J'appelle le centre de planification pour connaître la procédure à suivre, où aller. Et on me dirige vers un service d'orthogénie, qui est un service spécialisé, dans un hôpital pas loin de chez moi. Bon, c'est parfait. Mais d'abord, étape numéro 1, le rendez-vous chez un généraliste qui doit faire une lettre de demande d'IVG. Je vais donc chez mon médecin qui rédige la dite lettre et me prescrit une prise de sang pour confirmer la grossesse que je vais faire sur la lancée. Donc ça prend quelques heures dans une matinée. Étape numéro 2, ce qui se passe à l'hôpital. Alors je regarde sur le site internet, je vois qu'il faut se présenter sans rendez-vous le mercredi à partir de 9h, donc je fais ça. J'arrive à 9h pile, la salle d'attente elle est déjà blindée. J'attends une heure entière sans qu'il y ait personne de l'hôpital qui apparaisse et sans qu'aucune autre personne soit appelée dans la salle d'attente. Je me dis que ça va être short parce que je bosse après. À partir de midi, donc je vais dans les couloirs, il n'y a personne auprès de qui se renseigner. Je finis par appeler l'accueil, on me dit que je ne pourrais pas passer avant midi au vu du nombre de personnes présentes. Mais que, en fait, je pouvais prendre rendez-vous. Donc, je fais ça, mais ça retarde de quelques jours ce premier rendez-vous pré-IVG, et ça a fichu en l'air une matinée, en gros. Donc je me rends au premier rendez-vous, quelques jours après. C'est à la fois long et expéditif, avec des très nombreuses questions à propos de ma santé, de ma contraception, de la méthode d'avortement à laquelle je souhaite avoir recours. Il n'y a pas le temps de discuter du tout. J'ai un peu peur de dire ce que c'est ma méthode de contraception, parce que ça consiste à cumuler des méthodes de contraception dites naturelles et des préservatifs dans les périodes à risque. Et je sais que ça n'a pas forcément hyper bonne presse chez les gynécos, mais celle que je vois, elle tique pas trop quand je le dis, et elle note juste tout dans mon dossier. Je dois refaire une prise de sang pour refaire ma carte de groupe sanguin, parce que j'ai choisi la méthode par aspiration pour l'IVG, et donc je vais passer en salle d'opération et il leur faut mon groupe sanguin. Je dois aussi refaire une sérologie et je dois la montrer lors du rendez-vous suivant. et on me prend rendez-vous avec une assistante sociale parce que ma mutuelle arrive à terme. Donc encore des heures de ma matinée consacrées à ça, j'arrive au boulot en retard. Quand j'appelle les centres de radiologie pour faire l'échographie, il n'y en a aucun qui a de place avant la date du rendez-vous suivant. Donc une heure au téléphone pour rien, je rappelle l'hôpital, je suis en panique. Mais en fait, on peut me faire l'échographie lors du rendez-vous. Ok. Donc en attendant, je vais faire la prise de sang pour ma carte. Je vais au rendez-vous avec l'assistante sociale. Donc ça, c'était un jour après. J'attends longtemps. J'arrive à attraper une gynéco dans le couloir. Elle vérifie et en fait, l'assistante sociale est absente aujourd'hui. Mais je peux reprendre rendez-vous. Pour rien. Parce que, en fait, je n'ai pas besoin de mutuelle. Mes rendez-vous et mes analyses ont eu lieu avant l'expiration de la mutuelle. J'ai toujours la sécu. L'IVG est prise en charge par la sécu. Voilà, donc encore une bonne petite matinée de gaspillée. Mais c'est pas fini avec les rendez-vous. Il y a aussi celui avec l'anesthésiste. Donc tous ces rendez-vous, ils ont eu lieu sur une période d'environ 3 semaines. J'ai aussi pris rendez-vous avec une sage-femme en laquelle j'ai confiance pour pouvoir parler de tout ça dans un cadre un petit peu bienveillant, parce que j'en avais besoin. Voilà, alors là on passe enfin à l'étape numéro 3 qui est l'IVG. Donc je suis rentrée à l'hôpital à 7h. Après m'être enregistrée et avoir fait plein de trucs chiants d'administration, j'en oublie, hein, ces trucs c'est plus très précis dans ma tête, mais... Bon, j'ai dû prendre un antibiotique 24 heures avant, et ça m'enchante pas des masses, hein, parce que j'en prends jamais des antibiotiques. Donc, je me gave de probiotiques pour éviter de me taper une mycose en plus d'un avortement. L'hospitalisation, elle se fait dans un premier temps dans une chambre où on est 4, enfin 5, parce qu'en fait, on pouvait être accompagné, personne me l'a dit, et le mec d'une des personnes hospitalisées est là avec nous. Et c'est très sympa qu'elle puisse être accompagnée, mais honnêtement, la présence d'un type ici, ça me gêne. Je suis dénudée, je suis en super chemise d'hosto en plastique véritable. Je suis hyper vulnérable, et bien sûr, personne ne se parle. On va à tour de rôle dans les toilettes pour se mettre dans le vagin une pilule qui va fondre et dilater le col de l'utérus en se diffusant. Je crois que c'est à ce moment aussi qu'on m'a redemandé si je voulais pas me faire poser un DIU. Non. Et que la gynéco m'a dit « Ah donc, vous n'avez pas de moyen de contraception ?» en regardant le dossier sur lequel les méthodes de contraception que j'utilise sont indiquées. Je lui dis que si, je lui dis lesquelles j'utilise, et que oui, elles ne sont pas médicales, mais après tout, elles ont fonctionné pendant 7 ans. Et là, gna gna gna, mais selon les statistiques, le fait de cumuler plusieurs méthodes de contraception, ça les rend moins fiables, on a tendance à s'en mêler les pinceaux. Oui, bah, forcément. Là, je peux pas te dire que c'était infaillible, vu que je suis là pour avorter. Mais vraiment, est-ce que tu crois que c'est bien le moment de me gonfler avec ça? 7 ans sans grossesse, je pense que c'est quand même pas mal comme efficacité. Après, la contraception hormonale, c'est sûr, c'était plus efficace, vu que, de toute façon, je n'avais pas de libido. Bref, on m'a emmenée en pré-op. On m'a posé une voie dans la veine pour m'hydrater. Et puis, pour m'injecter l'anesthésiant plus tard. Donc j'étais au milieu de plein d'autres malades, sans aucune intimité, avec la pression sociale de pourquoi j'étais là. Même quand tu sais ce que tu veux, que t'es féministe, tout ça, les projections que tu peux avoir par rapport au jugement des gens, elles sont hyper pesantes. Au bout d'un moment, on m'a emmenée en salle d'op, et je suis passée du libre encart à la table d'opération. Il faisait vachement froid, j'ai commencé à trembler beaucoup. Et ils m'ont mis sous une couverture et puis un espèce de tube qui soufflait de la chaleur sous la couverture. Les personnes, elles étaient gentilles, elles étaient attentionnées. L'anesthésiste, elle m'a limite fait faire de la méditation en me touchant les cheveux pour m'endormir. C'était une anesthésie super courte, environ 15 minutes. Moi, en salle de réveil, bah, j'ai un peu pleuré. Toujours des gens attentionnés, mais qui ont vraiment pas le temps, hein. C'est l'hôpital. Retour dans la chambre, premier lever avec la sage-femme, on attend 1 ou 2 heures, et puis j'ai pu sortir accompagnée par une pote. Je dois avoir un rendez-vous de contrôle dans 3 semaines, j'ai dû prendre 2 jours d'arrêt de travail. Et moi j'ai de la chance, j'ai pas très mal, je saigne pas beaucoup. J'ai choisi la méthode par aspiration parce que je sais qu'elle est peu douloureuse. Parce qu'avec la méthode médicamenteuse, on souffre, on sait jamais combien de temps ça va durer, combien de temps on va saigner et à quel point. Et je me suis donc épargné ça, et c'était pas pratique de pas savoir quand je pourrais retourner bosser. Je me suis aperçue de la grossesse super tôt, à moins de 3 semaines. J'ai dû attendre 1 mois avant de pouvoir avorter. J'ai pas eu de dépenses étant couverte, mais quand même, j'ai dû prendre 2 jours d'arrêt maladie pour lesquels j'ai pas touché d'indemnité. Comme je le disais au début, le fait d'avorter, c'est pas pour moi quelque chose de difficile. Ça me pose aucun problème éthique. Je l'ai fait dans les meilleures conditions possibles. Et même comme ça, vraiment, c'était de la merde. Même comme ça, ça représente un traumatisme. Et pas à cause de l'avortement lui-même, mais à cause des conditions dans lesquelles on doit le faire. Enfin voilà. Avorter, c'était chiant. Et maintenant, on va écouter une chanson d'Amanda Palmer qui s'appelle « The Oasis ». Cette chanson, elle raconte l'histoire d'une adolescente qui souhaite avorter après avoir été violée lors d'une fête. Et elle a de particulier le fait qu'elle a été censurée sur la télévision et les radios américaines et britanniques. Les deux pays ont décidé d'interdire carrément la diffusion du clip et de la chanson. Bon, la chanteuse, elle a réagi sur son blog en disant que si vous ne percevez pas l'ironie de cette chanson, c'est que vous avez l'intelligence d'un kumquat. When I got to the party, they gave me a 40, and I must have been thirsty, cause I drank it so quickly. When I got to the bedroom, there was somebody waiting, and it isn't my fault that the barbarian raped me. When I went to get tested, I brought along my best friend, Melissa Mahoney, who had once been molested, and she knew how to get there. She knew all the nurses, they were all really friendly, but the test came up positive. Vacation was over, the word was all over that I was a crack whore. Melissa had told them, and so now we're not talking, except we have tickets to see Blur in October, and I think we're still going. Et c'était donc The Oasis d'Amanda Palmer. On entend souvent que le sexe est biologique alors que le genre serait une construction sociale. Ce qui n'est pas exact. Les normes sociales peuvent impacter fortement le corps, le modeler selon leurs propres principes. Le biologique est sous l'influence du social. On va voir un exemple de l'imbrication, cette imbrication du biologique et du social, à travers la thèse d'une anthropologue. Donc, on va voir cela à travers la thèse de Priscille Touraille, qui s'intitule « Dimorphisme sexuel de taille corporelle, des adaptations meurtrières ». Alors déjà, la définition de dimorphisme sexuel, c'est le fait que les mâles et les femelles aient des aspects physiques, des morphologies différentes dans leur taille, leur poids, leur forme. Genre la veuve noire et son mâle qui fait à peine 1 à 2% de son poids, par exemple. Le résumé de la thèse de Touraille, je vais vous le lire. Une différence de taille moyenne entre hommes et femmes est présente chez les humains, comme chez de nombreux mammifères. L'étude critique détaillée des hypothèses fournies par la biologie pour expliquer d'une part ce qui a pu favoriser les mâles de grande taille, d'autre part ce qui a pu favoriser les femelles de petite taille, met en évidence la faiblesse des représentations classiques de la question en ce qui concerne l'espèce humaine. Associant des considérations de génétique mais aussi d'écologie, de paléontologie humaine, de nutrition et d'anthropologie sociale, entre autres, l'hypothèse est avancée selon laquelle l'inégal accès aux ressources pour les femmes sous l'influence des systèmes de genre peut constituer une force sélective sur la stature en termes d'évolution génétique. Cette thèse montre en quoi le résultat est néfaste à l'espèce humaine, balayant ainsi les hypothèses adaptationnistes appliquées à la culture. Bon, j'ai pu assister à une de ces conférences et ce que j'ai pu retenir, en gros, c'est, premier point, son hypothèse pour expliquer la différence de taille entre les femmes et les hommes dans les sociétés, c'est la récurrence de la limitation de l'accès à la nourriture pour les femmes, en particulier l'accès aux protéines animales. Elle a mené une importante revue de la littérature des écrits anthropologiques sur le sujet, et elle a remarqué que la catégorie femme, dans quasi toutes les sociétés, n'a pas le pouvoir sur son accès à la nourriture. Et ça, même quand les femmes elles-mêmes ont ramené les produits de la chasse. Les hommes y servent en premier. Et lorsqu'il y a pénurie, les femmes en souffrent les premières. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer encore dans l'Occident contemporain. On n'a pas vraiment de problème de pénurie, hein, mais l'idée que les femmes doivent moins manger, elle est bien présente. Pour se conformer à l'idée de féminité, on doit peu manger pour rester mince, pour pas paraître trop forte. On ne doit pas non plus développer une masse musculaire trop importante. Il n'y a pas de limitation par la force. C'est plutôt un espèce de discours ambiant qui va nous pousser à une auto-limitation. Deuxième point, l'accès à la nourriture, dans la plupart des populations observées, n'est absolument pas fonction de l'effort déployé dans les tâches diverses. Les femmes, elles peuvent accomplir des travaux extrêmement pénibles, qui réclament beaucoup de force et d'énergie, et leur apport en nourriture n'est pas augmenté pour autant. Autre point, l'évolution donc aurait conduit à ce que les femmes soient plus graciles et de petite taille, en conformité avec les attentes liées à leur genre. Et ça va à l'encontre d'une survie optimale de l'espèce, parce que les femmes de grande taille avec d'amples bassins faciliteraient les accouchements, qui sont rendus difficiles par notre bipédie. Et autre point, les femmes et les hommes hétéros ont tendance à se mettre par paire, oui, en couple, en respectant le dimorphisme sexuel. Et il y a beaucoup de femmes aussi grandes ou plus grandes que beaucoup d'hommes. Et il y a beaucoup d'hommes plus petits. Mais ils et elles se mettent avec une personne plus grande pour les femmes et plus petite pour les hommes. Et bon, j'ai lu des critiques de cette thèse, elles m'ont semblé pour beaucoup d'assez mauvaise foi. Mais certaines avaient des arguments entendables, en tout cas pour une personne comme moi qui a peu de bagages concernant la biologie. Mais même si l'explication d'écart de taille par un accès différencié à la nourriture n'est qu'une hypothèse, on voit bien que par contre, cet accès différencié, c'est un fait, une constante, que c'est présent dans toutes les populations étudiées depuis le 19e, et que les femmes les plus prisées sont celles correspondant aux normes de féminité. Plus petites, plus frêles, ça a forcément un impact quelque part au niveau de l'évolution du physique des femmes. Et même à l'échelle d'une vie, la sous-alimentation, ça a un impact sur la croissance, la musculature, la stature. Voilà pour la thèse de Priscille Touraille. On arrive à la fin de l'émission. J'aurais voulu parler de beaucoup d'autres choses. J'aurais voulu parler du cerveau, du squelette, de l'obligation à la maternité quand on a un utérus, de féminisme essentialiste, des sorcières, des hormones, de la justification des violences masculines par les pulsions soi-disant naturelles, de la nature au sens écologique, de l'écoféminisme qui, lui, n'est pas forcément essentialiste. Mais voilà, ça faisait beaucoup. Je vais redonner quelques références. Alors, on peut donc aller sur YouTube, hein, regarder la conférence d'Andra et Tommaso qui s'intitule « L'accusation de déni de réalité faite aux personnes trans ». On peut aller sur Infokiosque pour lire la brochure qui s'appelle « Contre l'idée de nature ». On peut aller regarder la thèse de Priscille Touraille « Dimorphisme sexuel de taille corporelle, des adaptations meurtrières ». On peut... On peut aller lire sur le blog Les 400Q l'article « Mon squelette a-t-il un sexe ?» On peut aller lire l'article « Où sont les personnes trans et intersexes ?» sur tétu.fr et aussi « Députés et députées, mobilisez-vous contre les mutilations génitales intersexes. » Voilà, et merci d'avoir écouté. Je vais finir sur un bout de documentaire animalier dont le commentateur a l'air fort inspiré. C'est très instructif, vous allez voir. En fin d'après-midi, une troupe de hyènes tachetées savoure une sieste d'après-déjeuner. Il fait chaud, l'heure est à la détente. Le chef du clan plastronne. Gorgé de testostérone, son pénis se balance avec arrogance. Il marche en roulant des hanches. Ce tueur est sûr de son pouvoir. Mais ce chasseur démonstratif a un secret. C'est une femelle. La reine de la mystification. Cet énorme appendice que nombre de mâles pourraient lui envier est un clitoris. À y regarder de plus près, il n'y a pas un seul mâle dans cette horde. C'est une communauté de femmes, féroces qui plus est. Ce sont les femelles les plus viriles du monde. Ce renifler renforce les liens familiaux, et aucune odeur au monde ne ressemble à celle-ci. À l'état de fœtus, les hyènes femelles sont exposées à des niveaux élevés d'hormones mâles, qui font plus que leur donner un air menaçant. Ces clitoris impressionnants sont même capables d'érection. Et pour ajouter à la confusion, elles arborent même un faux scrotum gonflé de tissu graisseux. La fourrure qui le couvre est plus épaisse que celle des testicules des mâles. Dépourvues de vagin externe, elles urinent, copulent et mettent bas via un canal logé au centre de cet organe.